Les cérémonies de dévoilement des enseignes portant les inscriptions, le camarade Kim Jong-il, président du comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, a visité l'usine de Kirov le 7 août 2001. Le camarade Kim Jong-il, président du comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, a visité le cimetière de Piscaryob le 7 août 2001. En coréen et en russe, ont eu lieu les 11 et 12 août à l'usine et au musée du cimetière dans la ville de Saint-Pétersbourg à l'occasion du 15e anniversaire de la visite historique du dirigeant Kim Jong-il en Fédération de Russie, en présence des personnalités russes, de l'ambassadeur coréen et des fonctionnaires coréens en mission en Russie.